بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Donc avant de reprendre le sujet sur la sadaqa, sur l'aumône, donc on va juste se rappeler de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, de la ni'ma d'Allah subhanahu wa ta'ala vis-à-vis de l'adoration que l'on vient de faire, c'est-à-dire la prière salat al-jama'a fil masjid, le fait de pouvoir prier en groupe dans, bien sûr, dans cette mosquée, dans la mosquée. Alhamdulillah, on voit que la prière, donc c'est un ensemble, hein, donc c'est majmou'atul min al-ad'iya. Donc bien sûr, donc c'est un ensemble avec ces invocations du début à la fin. Donc, mais cela, ce qu'on commence, c'est qu'on dit Allahu Akbar, dans le sens où Allahu Akbar min kulli kabir. Donc, Allah est plus grand que toute chose qui peut être grande. Wa kullu ma tahta hadhihi al-kalima Allahu Akbar, fa huwa dakhil fi hadhihi al-kalima. C'est-à-dire que la prière en elle-même, elle entre. Tout ce que l'on trouve, tout ce que l'on dit, le Fatiha, tout ce qu'on dit dans le recours au sujoud, le fait de revenir du sujoud, tout revient à cette parole, Allahu Akbar. Tout revient. C'est-à-dire, c'est le tafsir, la prière, c'est l'explication de Allahu Akbar. Et on termine, bien sûr, donc par al-Taslim. Et parmi aussi les bienfaits que l'on retrouve dans cette prière, c'est les ad'iya, les du'a. Après la prière, lorsqu'on dit, comme on voit alhamdulillah que c'est mentionné ici dans les affiches, donc celle-ci plus celle-ci, on voit bien que on commence par l'istighfar. On dit trois fois astaghfirullah lorsqu'on a terminé la prière. وهذا الاستغفار هذا الاستغفار أن العبد يستغفر الله سبحانه وتعالى لأنه ناقص في عبادته. Donc le serviteur, il dit Astaghfirullah, donc il demande pardon à Allah Azza wa Jal, car il sait que quoi qu'il en soit, il sera bien sûr toujours donc, il aura toujours un manque, il y aura toujours donc un manquement dans sa prière, il ne sera jamais complète, il n'arrivera jamais au niveau qu'a été par exemple le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans sa prière. C'est pour ça qu'on a dit Fasabbih bihamdi rabbika wa astaghfirhu wa hunaka tasbih. Dans cette sourate que vous connaissez tous, sourate al-Fath, c'est la prière. Donc prie. Alors ça, c'est lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a repris Mecca, l'an 8, Fath Mecca. Il est rentré dans Mecca et il a prié 8 rakha. Il a prié 8 rakha lorsqu'il est rentré à Mecca. Allah lui a ordonné de prier. Et de demander donc shukranillah azza wa jal. Par remerciement à Allah Azza wa Jal, il a prié à Mecca. Et puis aussi il a dit donc Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Hein? Et après donc Fasabbih bihamdi rabbika. Et après on voit bien que après cela, bien sûr, il y a le istighfar. Il y a justement wastaghfiru. Donc et demande du pardon. Et c'est la même chose pour les Juifs lorsqu'ils sont revenus dans leur terre. Parce qu'Allah dit qul hittatun naghfir lakum khatayakum. Dites wa hitta, c'est justement l'istighfar, c'est justement aussi le tasbih. Donc il dit bien naghfir lakum khatayakum, lorsqu'ils ont été et aussi ils ont prié les Juifs et ils ont demandé aussi à Allah Azza wa Jalla pardon, car il n'y a aucune adoration qui pourra être, c'est-à-dire complète et parfaite. C'est pour ça qu'on retrouve cet istighfar. Et aussi Allah Azza wa Jalla nous demande aussi, bien sûr, nous a faire apprendre par la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc les paroles les plus importantes qui sont subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah et Allahu akbar. Donc on les retrouve subhanallah 33 fois, alhamdulillah 33 fois, Allahu akbar 33 fois, et on termine par la ilaha illallah pour compléter à 100. Donc on voit que lorsqu'on dit subhanallah, on est en train en vérité de louer Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sens où on va l'exempter subhanahu wa ta'ala de tout défaut. Et tesbih, donc cette glorification, entre dans la glorification tout ce qui va permettre d'exempter Allah de tout manquement et de tout défaut. C'est pour ça qu'on dit Subhanallah. Merci. Tu m'entends plus le micro parce qu'elle est serrée. Donc, ce tesbih qui en plus accompagné le tahmid, fasabbih bihamdi, on retrouve toujours le tesbih et le hamd ensemble. Subhanallah, alhamdulillah. Pourquoi? Parce que subhanallah, c'est le fait d'exempter Allah subhanahu wa ta'ala de tout défaut. Et le hamd, c'est le fait de louer Allah subhanahu wa ta'ala dans tous ses noms et attributs. On va louer Allah subhanahu wa ta'ala de sa grandeur et le fait qu'il est parfait, il a khéli. Donc tout attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala revient au hamd. C'est pour ça qu'on dit alhamdulillah awwalan wa akhiran. Et c'est pour ça qu'on commence le Fatiha par alhamdulillah. Et c'est la dernière parole que les gens vont dire avant au moment d'entrer au paradis. Dans le sens où les gens ils vont dire alhamdulillah lorsqu'ils vont entrer au paradis. Non. Et aussi, donc subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, donc Allah Akbar bien sûr, qui est aussi une parole très importante, et cette parole-là on la retrouve énormément dans la prière, elle est mentionnée énormément dans la prière, dans tous les gestes que l'on fait, dans les gestes qu'on va faire, que ce soit donc au recours au sujoud de la khilash, donc dans tous nos gestes qui vont nous accompagner dans notre prière. Et là, il y a Allah qui est bien sûr la meilleure des quatre paroles. Hein, bien sûr, à ce moment-là, qui va bien mentionner comme quoi Allah subhanahu wa ta'ala est seul, sans associé. Et ce sont, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y en a donc qui dit Arba kalimat yani, ahabu ilallah. Donc ce sont les quatre paroles qui sont les préférées auprès d'Allah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah akbar. Il dit aussi Hunna min al-Qur'an. Et elles font partie du Coran. Elles font partie de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'était juste un aparté pour montrer l'importance de la prière et pour montrer les doigts qui sont après cette prière. Et c'est là qu'il faut justement aussi, donc c'est parmi donc les points importants de la prière. C'est parce que c'est une continuité en vérité de ce que tu fais en prière, de ce que tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala, de ce que tu dis, de ce qui est légiféré, et aussi afin bien sûr de recevoir donc l'énorme récompense de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fanukmilu kitabana. Donc ce matin on a vu par rapport à la sadaqa, on a parlé de al-fada'il, les bienfaits, les vertus, les valeurs de la sadaqa tatawwu. Parce que ce matin, pour ceux qui étaient absents, nous takallamna 'an sadaqati. Donc par rapport aux aumônes, la zakat, on n'a pas parlé de la zakat, on a parlé bien sûr des aumônes qui sont surérogatoires. وأن نتكلم في الآداب عن الآداب عن آداب الصدقة. Donc on va voir bien sûr les bienséances de l'aumône. فأولا premièrement الاحتساب احتساب الأجر فيما ينفقه المسلم. Donc le fait d'espérer la récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'on donne, lorsqu'on fait une donation pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un hadith d'Abu Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anhu qui rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ida anfaq al-muslimu nafaqatan ala ahlihi wa huwa yahtasibuha kanat lahu sadaqa. Vous voyez ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le musulman donne, donc fait une donation à son épouse, à sa famille, alors qu'il y espère la récompense, elle lui sera comptée comme une sadaqa. Elle lui sera comptée comme une sadaqa. Et ça, c'est une miséricorde de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ce hadith qui est rapporté par Al-Bukhari Muslim. Car c'est quelque chose qu'on fait tous les jours. Il est facile pour nous. On vit 20, 30, 40, 50 ans, 60 ans. Avec la famille, il suffit qu'à chaque fois la niya, on la met pour Allah subhanahu wa ta'ala. L'intention, on la met pour recevoir la récompense et Allah nous donne. Pour quelque chose qui est à l'origine pour nous obligatoire, pour quelque chose qui est à l'origine pour nous naturel, matin, midi et soir. de ce que vont manger les gens de notre famille lorsqu'on est parti travailler et amener, bien sûr, donc ces provisions pour pouvoir nourrir notre famille. Que ce soit, bien sûr, dans la nourriture, l'habillement ou autre. Deuxième point, deuxièmement, c'est l'infaq ou al-halal, al-tayyib. Fa'inna Allah tayyibu, la yaqbalu illa tayyiba. Deuxième point, c'est de donner de cet argent ou de ce bien qui est bien sûr halal, licite, et qu'il est bon. Car certes, Allah est bon et n'accepte que ce qu'il est bon. Instahil de Abu Huraira, qui rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit donc, Ya yuhannas, inna Allah tayyibu, la yaqbalu illa tayyiba. Ô gens, certes Allah est bon, il n'accepte que ce qui est bon. Wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin. Et certes Allah a ordonné aux croyants ce qu'il a ordonné aux envoyés. Et là on voit que c'est une preuve aussi ici qu'il faut donc suivre les envoyés d'Allah, parce que ce sont eux nos exemples. Allah nous a ordonné ce qu'il a ordonné aux envoyés. Donc c'est la même chose. Ils avaient des ordres. Et Allah dit dans le Coran, « Ya ayyuhar rusul, kulu min tayyibat wa amalu saliha. » Ô envoyés, mangez des bonnes choses, des choses pures, et œuvrez de la bonne façon. Œuvrez de la bonne façon. Inni bima ta'amaluna alim. Et certes, je suis savant de ce que vous faites. Donc, bien sûr, donc, et après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a continué à dire, donc, waqal, ya ayyuhal ladina amanu, kulu min tayyibat ma razaqnakum. Ô ceux qui ont cru, donnez des bonnes choses de ce que nous vous avons octroyé. Thumma dhakara rajulu, yutiru safar, ash'ath. أخبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام وشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك. Dans le hadith qui est rapporté par les mêmes musulmans. Donc il dit sallallahu alayhi wa sallam, il rappelle, donc à titre d'exemple, il donne l'exemple de cette parole qui fait un long voyage. Il est donc hirsute, donc déjà il est rempli de poussière, il est donc aussi ses cheveux qui sont donc mal peignés, il est hirsute, et aussi il lève ses mains, parce que c'est adab du'a, il lève ses mains vers les cieux, et il demande, oh Allah, ya Rab, oh mon Seigneur, ou bien oh mon Dieu, alors que sa nourriture, elle est illicite, sa boisson est illicite, ses habits sont illicites, et bien sûr, lorsqu'on dit donc ici matramu haram, et aussi bien sûr il se nourrit de tout ce qui est illicite. Comment cela lui pourrait être accepté? Donc là il donne en titre d'exemple sallallahu alayhi wa sallam, l'exemple de quelqu'un qui normalement sa situation fait que ça ne peut être que accepté si bien sûr il avait mangé du halal. Donc non seulement il est en voyage, parce que la doua du voyageur elle a accepté, il est en difficulté, Allah il aide ceux qui sont en difficulté. Il lève les mains, donc il respecte adab al-du'a. On sait que lever les mains dans les invocations, surtout dans les moments bien précis, comme par exemple dans le voyage ou bien quoi, sont bien sûr acceptées. On ne sait pas, c'est pas à chaque fois qu'on va lever les mains, mais il y a bien sûr des soudains qui montrent que les mains sont bien sûr, il est permis de lever les mains à certains moments. Et il a levé les mains vers les cieux. Et il sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala en plus est dans les cieux. Et il demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais bien sûr, qu'est-ce qu'il fait? Il mange du haram. Il boit du haram. Il s'habille du haram. Donc, on comprend dans ce verset, dans ce hadith, que min mawani', istijabat ad-du'a, c'est justement la nourriture, la boisson, l'habillement qui est interdit. C'est-à-dire que tu vas en vérité être. Tu ne vas pas profiter de la miséricorde d'Allah. Tu ne vas pas profiter de tout ce que Allah pourrait te donner, alors que c'est Allah qui donne. Hein? Enfin, t'as mahroum, yani. Tu manges du haram, t'es en vrai, t'es mahroum. Il t'est interdit de recevoir ce que Allah subhanahu wa ta'ala donne. Et après, il dit bien le prophète, comment cela il pourrait être justement donc accepté. Car en vérité, il s'est interdit par lui-même, par ses actes, justement, l'acceptation de la dua. Troisièmement, parmi les adab, les bienséances vis-à-vis de la vocation, c'est que c'est que la personne ne va détester en rien dans le fait de faire sadaqa. Il ne faut rien mépriser dans ce que tu vas faire comme sadaqa. Même si tu donnais une demi-date, tu vas dire non, je vais le jeter plutôt. Je ne vais pas le manger, je vais le délaisser. Si tu le donnais, c'était largement meilleur. Même si c'était en vérité la moindre chose. La chose qui a le moindre coût. En vérité, ça ne coûte pas grand-chose. C'est peut-être quelque chose qui pourrait être insignifiant à tes yeux. Mais en vérité, auprès d'Allah, ce matin-là, bien sûr, c'est azim. Et on a vu le hadith ce matin. Et aussi, donc, parmi d'autres hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu » Donc il dit, sallallahu alayhi wa sallam, chaque personne d'entre vous parlera à son Seigneur. Et donc vraiment, Allah azza wa jalla, il va parler avec tout le monde. C'est pour ça qu'un hadith s'appelle hadith al-Najwa. Allah va se rapprocher. Et il va donc prendre la personne, se rapprocher de la personne et lui parler, donc c'est le chuchotement. Personne n'entend. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Et ça, c'est une rahma d'Allah. Que personne ne va entendre. Allah va dire tu fais ceci, tu as fait cela, tu as fait celui-ci. Il va énumérer tout ce que tu as fait. Jusqu'au point où tu vas croire que bien sûr tu seras perdu. Tellement tu as, en vérité, œuvré ou commis des mauvaises actions. Donc il va parler à Allah, il va parler à chaque personne. Laysa baynahu wa baynahu turjuman. Il n'y a pas, bien sûr, entre eux d'intermédiaire, d'intercesseur, ou bien de quelqu'un qui va venir, bien sûr, le parler, c'est-à-dire, ou bien traduire ce qu'Allah va dire. Il n'y aura pas de cela. Ça sera direct entre eux, Allah et toi-même. Wala hijab, yahshabuhu. Ni, bien sûr, un voile qui va donc voiler entre Allah et toi. Fayanzuru. Aymen minhu. Il va regarder à sa droite et ne verra que ce qu'il a fait. Il va regarder aussi donc à sa gauche et ne verra que ce qu'il a fait. Il va regarder entre ses mains, devant lui, comme ça, et ne verra que le feu hein, qui sera dessus en face de lui-même. Fattakun nar, il dit, walau bishik et tamra. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il donne la solution. Il dit, craignez le feu ne serait-ce que par quoi? La sadaqa d'une demi-date. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ici, il mentionne, dans un moment très important, où c'est tes comptes, toute ta vie qui va défiler, tu vas avoir ta vie. Parce que Allah azza wa jalla, il va faire quoi? Il va créer. Allah va faire que ta vie, elle va être transformée en chose. Tu verras tes actes. Tes actes, ils seront vus. Donc, ce sera physique. C'est hissi. C'est pas ma'nawi. C'est hissi. On va le voir. Parce que le dibé fayanto, yara. Allah va faire que tes actes seront vus. Pourtant, là, maintenant, on ne peut plus voir nos actes. On ne les voit pas. Ce qui a été passé est passé. Et on ne voit pas non plus ce qui va devenir. Mais là, Allah, il va faire en sorte que ce sera vu. L'amal, tura. Elles seront vues. Et en plus, il dit, dans ce moment bien difficile, craignez, et il ne donne pas comme solution la sadaqa. Donc c'est comme s'il disait, ô musulmans, faites sadaqa, si vous voulez en vérité être sauvés ce jour-là. Pas grand-chose. Il donne même en vérité la chose la plus simple, parce que c'est justement ça la miséricorde de l'islam. C'est justement ça la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla envers ses serviteurs. C'est que, amal yassir, mais Allah Azza wa Jalla sauve du feu. Même avec des choses qui sont bien sûr simples, qui sont en vérité à l'origine, qui ne coûtent pas cher. Il suffit simplement en vérité de faire le geste avec sincérité. Et aussi dans un hadith, dans une variante, il dit walao bi kalima tayyiba, parce qu'on sait que le kalima tayyiba c'est une sadaqa. Donc non seulement en plus Allah Azza wa Jalla nous permet aussi de d'être sauvé, même si on disait quoi par rapport à cela, mais avec une belle parole. Une belle parole envers le musulman. Donc tu lui as maintenant cité un hadith, tu lui as cité un verset, tu l'as salué, tu as été bon envers lui. Ne serait-ce que si tu disais des bonnes choses. Car dans une autre version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Famel lam yajid. Donc il donne la première solution. Donc il est mieux en vérité de commencer par la sadaqa. Et si tu ne trouves pas, fabi kalimat tayyiba. Donc celui qui a les moyens, en ce moment-là, ça sera donc physique. Ça sera ça. Mais c'est possible que la personne a envie de faire du bien, mais qu'il n'a pas les moyens. Donc Allah, il lui a donné aussi une solution d'avoir la même récompense. D'avoir justement, d'obtenir la même récompense que celui qui a donné par Al-Kalimat Tayyiba. Par justement Al-Kalimat Tayyiba. Allah Azza wa Jal permet à celui qui est pauvre de pouvoir accéder à des récompenses que font les riches. Par justement les bonnes paroles. Et aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith qui est rapporté par les mêmes musulmans, la tahqiranna min al-ma'ruf shay'a wa law an talqa akhaka bi wajh talaq ou talq. Donc ce hadith là il montre aussi toujours par rapport à la bonne parole, lorsqu'il a dit ne méprise rien de ce qui est bon, même si tu rencontres ton frère avec un visage radieux. Donc tu lui fais un sourire. Car chaque chose a son importance. Et ce sourire-là, il peut en vérité amener, c'est-à-dire le fait que la personne va être contente, joyeuse toute la journée. Parce que si tu venais avec un visage qui serait contraire à cela, peut-être que tu vas le rendre triste toute la journée. Et tu vas le faire entrer dans des wasawis. Pourquoi il me regarde comme ça? J'ai fait quelque chose de mal. Même pas, il a réagi. Et après, tu vas commencer justement à t'éloigner de lui, inconsciemment, parce que tu as justement quelque chose qui est rentré dans ton cœur, en toi, dans le fait que tu as cru qu'il a pensé ça. Mais si tu as fait un sourire, tu vas dire Alhamdoulilah, il m'aime bien, il a réagi. Donc ça va justement ramener, ça va justement faire que cette entité, cette unité, elle va justement être créée, cet amour va être justement créé vis-à-vis, par rapport aux musulmans les uns envers les autres. Donc ne serait-ce que. Même si tu rencontrais ton frère avec, bien sûr, un visage radieux. Et donc il faut en vérité ne rien délaisser. C'est pour ça que le prophète Sarsam nous montre en vérité un optimisme. Et certains savants donnent par rapport à ce hadith l'exemple que le shir de l'imam al-Bukhari, il a juste dit une phrase. Si quelqu'un d'entre vous avait écrit un livre, pourrait compiler la sunna. Qui d'entre vous pourrait regrouper la sunna dans un livre? Une petite phrase. Ça a fait donc réfléchir le même al-Bukhari, et puis il l'a fait. Et maintenant on profite d'une grande baraka d'avoir Sahih al-Bukhari, ne serait-ce qu'à partir d'une phrase d'un shir. Donc les savants sont revenus par rapport à ça, à cette parole-là, ce début du hadith. La tahqiranna min al-ma'ruf shay'a. Donc ne déteste rien, ne méprise rien de ce qui est bon à dire, de ce qui est bon à faire, de ce qui est bon à dire, de ce qui est bon à donner. Et aussi, bien sûr, parmi les sadaqas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a même incité qui les femmes à donner. Il incite spécialement les femmes à la donner. Car pourquoi bien sûr il incite les femmes à donner? Car les femmes sont les plus prompes, sont les plus proches à faire des liens. Elles sont plus à la maison. Donc on va faire plus facilement des liens avec les voisines, avec les gens. Donc c'est plus rapide pour les femmes, non seulement de créer des liens, et c'est aussi non seulement de rompre les liens des femmes en se retrouvant, en faisant des histoires maintenant par la parole ou quoi. Parce qu'elles sont. Elles sont comme ça, c'est comme ça, c'est la femme, elle est créée de cette façon-là. Facilement, elle crée des liens. Donc il dit bien, sallallahu alayhi wa sallam, Yanis al-Muslimat, la tahkiranna jaratun lil jaratiha, walau bifirsin sha, walau bifirsin sha. Donc elle dit bien, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit bien, ô femme des musulmans, ne détestez rien dans le fait de donner quelque chose à vos voisines, ne serait-ce que si c'était une pâte, hein. D'un mouton, ne serait-ce que d'une patte d'une brebis. Ne serait-ce qu'une patte d'une brebis, donc quelque chose même qui est insignifiant. Et ça aussi, c'est la preuve de respecter énormément Donc les voisins. Sa voisine entre envers, bien sûr, sa voisine. Pourquoi? Parce que les voisins, en vérité, ils ont un droit qui sont énormes. Les droits qui sont énormes, ils sont même cités en plus dans le Coran. Les droits qui sont énormes. Donc les voisins, ils sont au nombre de deux. Il y a le voisin qui est proche, il y a le voisin qui est loin. Même si certains ulama ont mentionné le troisième type en disant que c'est celui qui est de la famille. Mais celui qui est de la famille, qu'il soit voisin ou qui habite même à 5000 km, lui, il a son droit. En vérité, celui qui fait partie de la famille, c'est juste un appui. C'est juste un appui, mais ce n'est pas un type de voisin. Il ne rentre pas dans le type. Le type, c'est le voisin qui est proche et le voisin qui est loin. Le voisin qui est proche, c'est selon le ref. C'est selon, bien sûr, donc l'habitude du pays. Même si quelqu'un vivait dans un village au Maroc, peut-être que pour eux, tout le village, c'est le voisin. C'est en France, non. Ceux qui sont sur le palier, maintenant, il y a des gens, donc chacun, on va être cela, ça renoue off. Il n'y a pas quelque chose de charaï qui revient à dire, maintenant, c'est exactement ceci. C'est autant de maisons, c'est autant de ceci. Même chez les compagnons, on retrouve, que ce soit Aïcha, que ce soit Ali, on va retrouver des paroles différentes. Aïcha, elle va dire 40 maisons à droite, à gauche, devant, derrière. Ali va dire celui qui entendrait ton appel. Alors si tu faisais l'aden de ta maison, c'est-à-dire de la porte de ta maison, tous ceux qui t'entendent sont tes voisins, par exemple. Et Chir Ibn Taymiyyah, il expliquait en vérité que cela revient au ruf, revient à l'origine, à quoi? À la nature, c'est-à-dire à l'habitude des gens. Qu'est-ce qu'un voisin en France? Qu'est-ce qu'un voisin au Maroc? Qu'est-ce qu'un voisin au Sénégal? Qu'est-ce qu'un voisin en Arabie? Donc c'est ce, chacun en vérité, il a sa façon de savoir qui est le voisin. Et ça, c'est important, parce que les voisins, ils restent en vérité très importants au point où on aurait cru qu'ils auraient été en vérité nos héritiers. Donc bien sûr, il y a encore énormément en vérité de hadith par rapport à cela. Et on a vu le hadith par rapport à tout à l'heure, lorsque la femme avait ses deux filles et qu'elle a donné, lorsque elle a fait manger, donc c'est elle avait trois dates, tout le monde avait faim, la mère plus les enfants, chaque enfant a mangé une date, lorsque la mère a voulu manger la date, lorsque elle a faim, c'est proche de sa bouche, imaginez-vous un moment crucial pour elle, ses enfants lui demandent, donne-nous cette date. Donc non seulement elle se retient, elle donne cette date, la moitié de la date à chacun de ses enfants. Et donc, c'est quelque chose qui était étonnant de la part pour Aïcha radiallahu anha, qui raconte ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit bien, certes Allah lui a promis obligatoirement, un homme lui donnera obligatoirement le paradis. Aoujabala. Donc ça c'est un droit wajib qu'Allah ne peut pas en vérité revenir dessus. Comme quoi elle aura le droit au paradis vis-à-vis de cette sadaqa, vis-à-vis de cette bonne œuvre de la mère vis-à-vis de ses enfants. Quatrième point, donc c'est le musara'a ou le musabaqa fi ikhraj sadaqa. Donc le fait de s'empresser et même de se concurrencer pour sortir ou pour donner, pour faire des dons. Il y a plusieurs hadiths vis-à-vis de cela. Il y a plusieurs hadiths vis-à-vis de ce titre-là. Et parmi les hadiths où Utba ibn al-Halith radiallahu anhu قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر فسلم ثم قال مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعد حجر نسائه ففزع الناس من سرعته فخرج عليهم فرأى أنهم عجبوا من سرعته فقال ذكرت وأنا في الصلاة شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني وفي رواية أن يمسي أو يبيت يعني عندنا فأمرت بقسمته. Donc ce hadith qui est ajib, où le compagnon, donc le Utba ibn al-Halith, rapporte qu'il a prié derrière le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à Médine, salat al-Asr, puis il a salué après la prière, puis il s'est levé en s'empressant. Donc il s'est empressé et il est rentré donc dans certaines, dans une des maisons de ses épouses, une des demeures de ses épouses. Les gens ont été étonnés de cela. Les gens ont été surpris de le voir être aussi rapide. Et après, il est sorti vers eux. Et il a vu que les gens étaient étonnés, que se passe-t-il, de voir pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam est pressé, et autant pressé que ça. Et il a dit, je me suis souvenu alors que j'étais en prière. Donc c'est revenu, alors qu'il y a eu cette pensée en prière, que j'avais en vérité donc quelque chose. Donc le type c'est Wal-Dahab Wal-Fadda. Il avait quelque chose ou en or ou en argent. Donc il avait quelque chose qui était ou en or ou en argent. Chez lui, il dit, et j'ai détesté que ces choses-là elles restent chez moi. Hein, il a plus, donc il est sorti afin de pouvoir la donner. Donc il s'en est pressé. Ou ici, dans une autre variante, il a dit, ou que ces choses-là dorment avec moi, et qu'elles restent chez moi. Donc il l'a pris, et je l'ai pris, et après il a ordonné que ce soit bien sûr partagé entre les pauvres, que ce soit partagé afin que les gens puissent manger avec. Donc on voit que le prophète, dès qu'il a pensé à ça, il s'est dit, je vais en faire une sadaqa, je ne vais pas garder ça chez moi. Et il a pensé, bien sûr, à donner cela. Donc bien sûr, parmi les fawaïd que les ulama donnent par rapport à ce hadith, c'est que Allah alam, la personne ne sait pas quand est-ce qu'elle va mourir. Elle ne sait pas en vérité la personne quand est-ce qu'elle va mourir. Il pousse qu'elle a la niya, l'intention de faire sadaqa, puis lui il se dit plus tard, et à sa waf, donc il recule plus tard. Jusque quand Allah alam, jusque quand, jusqu'à peut-être qu'il va oublier hein, la niya qu'il y avait. La niya qu'il y avait au départ, pour faire du bien, puis en vérité il oublie et il délaisse en vérité cela. Il délaisse en vérité cela jusqu'à ce qu'il ne reçoive pas de hasad vis-à-vis de cela. On n'oublie pas que Shaitan, Haris, Shaitan bien sûr, il va faire bien sûr des efforts sur nous afin de. Il reste aux aguets et il va faire des efforts sur nous afin que l'on bien sûr on oublie de faire cela, qu'on délaisse cela. Cinquième point, al-infaqu sirran wa alaniyatan raja'a al-ajr al-kibir. Cinquième point, c'est le fait de donner en secret et en public en espérant l'énorme récompense. En espérant l'énorme récompense de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yanwi bi sadaqati al-alaniya daf'a ghayrihi. Et il, bien sûr, il a comme intention, lorsqu'il a décidé de donner quelque chose, ou le fait de donner en public, c'est quoi la niya? Il est permis de donner en public. C'est pas quelque chose qui va être contraire, je veux dire, à l'ikhlas. Ça va pas être spécialement du riya. C'est parce que tu donnes, enfin, pas pour que les gens ils voient que tu donnes, mais afin de donner un exemple dans le sens où tu vas en vérité inciter les gens à faire la même chose que toi. Ça, c'est permis. Pour que les gens soient aussi, donc, justement intéressé par cela et ils vont se dire moi aussi je vais faire la même chose que lui, donc ça c'est permis par rapport à ça, mais c'est pas pour dire choufouni yannes, regardez moi les gens, je donne là, ça à ce moment là ça devient haram, c'est interdit parce que tu n'auras pas de récompense, tu vas pas avoir de récompense vis-à-vis de cela hein, enfin quand justement enfin que tu sois un exemple vis-à-vis des autres, et en plus non seulement tu as donné. Donc tu as ta récompense, mais comme les gens vont faire la même chose que toi, ils auront la récompense, et toi tu as la récompense de car tu as en vérité fait vivre une sunna. Tu as fait vivre en vérité une bonne œuvre. Tu as justement les gens ont fait comme toi. Donc tu as été l'exemple. Et tu prendras la hasan de ces gens. Donc on voit que c'est quelque chose qui reste important. On a vu le verset donc ce matin vis-à-vis de cela. Alladine yunfiquna amwalahum bil-layli wan-nahar sirran wa 'alaniyatan. Falahum ajrun 'inda rabbihim wa la khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun. Donc certes ceux qui donnent de leurs biens de nuit et de jour en secret et en public, ils auront la récompense auprès de leur Seigneur et nulle peur ainsi que nulle tristesse pour eux. Donc ils n'auront ni peur ni tristesse Donc on voit que ces gens-là donnent. Sont tout en train de penser quand est-ce qu'il faut donner. Dès qu'il y a l'occasion de pouvoir faire du bien, ils font du bien. De nuit comme de jour. Que ce soit en secret ou que ce soit en public. Pour eux, c'est la même chose. Parce que c'est pour Allah qui donne. Donc en secret, ils savent pourquoi ils donnent en secret. En public, ils savent même pourquoi ils donnent en public. Ils profitent donc de, en public, comme on l'a dit auparavant, le fait que les gens peut-être vont voir ça et ils vont être incités à donner. Ça va justement montrer que, alhamdoulilah, dans la communauté, il y a des gens qui donnent. C'est bien. Ça incite les autres. Parce que les gens ils vont dire, si seulement, s'ils ont les moyens, ben je vais faire la même chose. Mais s'ils n'ont pas les moyens, au moins ils ont la niya en se disant que si j'avais le même moyen que cette personne, j'aurais fait la même chose. Donc il aura, lui aussi, là, la récompense, alors qu'il n'avait rien du tout. Parce que il a au moins pensé à vouloir faire la même chose, même s'il ne pouvait pas. Et Allah, hein, donc il ne va pas, bien sûr, perdre. Il ne va pas leur faire perdre leur récompense. Parce qu'ils vont retrouver la récompense auprès d'Allah. Et c'est Ardam, ou Ardam, c'est bien plus énorme que ce que tu as donné. Tu donnes un peu et Allah il te multiplie jusqu'à 700. Et aussi, bien sûr, la khawfun alayhim wa la hum yahzan. Ni peur et nulle tristesse. Parce que celui qui n'a ni peur et nulle tristesse, hein, donc il va être justement, il va avoir cette sérénité. Il sera le contraire. Il sera à l'aise. Il sera donc à l'aise. Il sera bien sûr bien. Parce que celui qui vit avec la peur et avec la tristesse, il vit mal. Il n'y a pas pire pour embêter le nefs d'une personne de vivre avec la peur et avec la tristesse. Tu ne peux pas vivre normalement avec la peur et avec la tristesse. Donc encore, alhamdoulilah, il y a encore bien sûr énormément de versets vis-à-vis de cela. Et par rapport au fait de donner donc en secret et en public, il y a aussi encore bien sûr beaucoup de versets vis-à-vis de cela. Et on connaît bien le hadith donc des personnes qui étaient venues, qui avaient presque rien pour s'habiller. Donc ils pouvaient ou cacher le bas, donc ils pouvaient pas cacher grand chose. Ils avaient des fois de s'habiller même avec des, si on peut dire ça, comme des toiles de jute, donc comme si on disait des sacs à patates. Ils n'avaient pas de quoi s'habiller. Donc une communauté, un groupe, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé les gens. Donc il a fait la djenne, il a ordonné de faire la djenne afin d'appeler les gens, afin de rejoindre les gens au même endroit. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, justement, donc il a demandé, hein, donc il a, bien sûr, donc lorsqu'il a appelé les gens sont venus. Et puis on a, bien sûr, un de Médine qui a commencé à avoir ses pauvres et il a ramené chez lui tout ce qu'il pouvait. Jusqu'à ce que tout le monde a commencé à faire la même chose que cette personne de Médine, jusqu'à ce qu'il y a eu, mashallah, un mont. Il y a un mont de sadaqa, d'habillement et l'akhid d'habit et autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Men sanna fil islam sunnatan hasanata falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghayri an yanqus min ujurihim shay. Donc il dit bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui donc fait revivre le sunnat de l'islam, donc celui qui est la cause de justement de faire revivre donc une sunnah, c'est-à-dire une bonne action, une bonne tradition dans l'islam, il aura la récompense de cette tradition, parce que lui l'a commise, il l'a faite, et aussi la récompense de ceux qui ont fait la même chose, sans que bien sûr eux perdent quoi que ce soit dans cette récompense. Alors Adim, tu donnes, si 100 ils ont fait comme toi, tu vas te retrouver à avoir ta récompense, c'est la récompense de 100 personnes. Si c'est 10 000, c'est 10 000 personnes. C'est pas n'importe quoi. C'est vraiment, il y a une grande récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi, il dit, sallallahu alayhi wa sallam, pour montrer l'importance toujours de la sadaqa, il dit, la hasada illa fi ithnatayn. Pas de jalousie, sauf envers deux types, deux catégories de personnes. Rajun atahu Allahu al-Qur'an, fahuwa yaqumu bihi ana al-layl wa an-nahar, wa ana al-nahar. Un homme dont Allah lui a donné le Coran, donc il connaît le Coran, il comprend le Coran et il le met en pratique. C'est ça que ça veut dire le Coran. Lorsqu'il dit Atahul Quran, donc il y a Komoubihi. Non seulement il connaît son sens, donc il revient tafassir des ulama, mais en plus il met en pratique comme il est demandé. Comme il est demandé, parce que le Coran, Hujjat Mulaka, Aw Alaik, c'est une preuve pour toi ou bien contre toi. Donc là, il connaît le Coran et ça sera une preuve pour lui à cette personne, ce Coran. Donc, de nuit comme de jour. De nuit comme de jour. Il le met bien sûr en pratique. Il va prier comme un layl. Il va bien sûr donc faire revivre ce qu'il y a dans ce Coran-là. Donc c'est le Coran en vérité vivant dans sa vie. وَرَجُلٌ أَتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يَنْفَقُهُ عَنَ اللَّيْلِ وَعَنَ النَّهَارِ يُنْفِقُهُ donc عَنَ اللَّيْلِ وَعَنَ النَّهَارِ. Donc un homme dont Allah a donné de l'argent, et lui bien sûr donc le donne de cet argent-là, de nuit comme de jour. يُنْفِقُهُ عَنَ اللَّيْلِ وَعَنَ النَّهَارِ. Donc de nuit comme de jour. À ce moment, il nous est permis d'être jaloux. Ash ma'na, le hasad. C'est pas le hasad comme quoi on est jaloux qu'il y a de l'argent baisse. Là, c'est-à-dire que je voudrais avoir comme lui pour faire la même chose. Mais c'est pas le hasad dans le sens le madmoum. C'est pas le hasad qui est interdit en islam. Ça, c'est le hasad, c'est cette jalousie, en vérité, ou bien plutôt cette envie, dans le sens où tu voudrais avoir la même chose que lui pour faire la même chose, c'est tout. Mais tu penses pas à ce que cette personne vient être à perdre cette chose-là. C'est pas ça que tu veux. Hein, parce que tu es content pour lui de ce qu'il fait. Ça te fait plaisir de voir ce qu'il fait ça. Donc tu n'as pas de jalousie dans le sens où c'est une hantise, c'est une animosité. C'est pas ça. C'est en vérité, tu es content, alhamdoulilah, de ce qu'il fait, mais tu voudrais avoir la même chose pour pouvoir faire la même chose. C'est tout. Alors, ça te regarde que toi. Alors, ça revient à toi de vouloir faire la même chose. Mais pas dans le fait que lui a ça, je suis pas content qu'il a ça. Ça veut pas dire ça. Parce que hadas madmoum, c'est interdit, c'est haram. On sait que le hasad, yakulun hasanat. On sait que le hasad vient manger le hasanat, comme atakunun nar, yani khatar. Comme le feu, comme le feu en vérité, vient à consommer. Donc le hasad, la jalousie, consomme et fait brûler le hasanat, comme le feu consomme, ou consume, afwan, consume donc le hasanat. Comme le feu consume le bois. Une fois que tu brûles le bois, ça y est. Hein, donc imagine que ce feu-là, c'est de la jalousie. C'est une jalousie qui est devenue donc physique. Une fois que tu brûles, ça y a plus rien. Il n'y a plus rien dans le bois. C'est la même chose. Tes hasanat, en vérité, elles vont consumer ta jalousie. Elle va consumer en vérité tes hasanat. Donc d'où l'importance de ne pas être jaloux pour pouvoir garder jalousement en vérité ce trésor qui sont les hasanat. Les hasanat, c'est mieux que ton compte en banque. Tes hasanat, c'est mieux que ton compte en banque, parce que après ta mort, tes hasanat, elle reste avec toi. C'est que ton compte en banque, il sera partagé. Il sera partagé. Ou alors, Harlem, comment ils vont le dépenser, tes sous, quand tu vas mourir? Tu sais pas. Est-ce qu'ils vont le dépenser dans le sentier d'Allah ou bien ils vont le dépenser dans le haram? Tu sais pas. Mais tes hasanat, ils restent avec toi. Et c'est eux que tu as besoin. C'est eux que tu as besoin. Sixième point, ou bien il y a encore un hadith aussi qui est important toujours. El jahru bil Qur'ani kal jahri bil sadaqa. Wal musirru bil Qur'an kal musirru bil sadaqa. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, donc celui qui lit le Coran, donc à voix haute, c'est-à-dire devant les gens, c'est comme celui qui fait sadaqa en public. Et celui qui non, cache, qui lui sadaqa en voix basse, donc pour lui-même, c'est comme celui qui fait en vérité la sadaqa en lui-même. Donc on voit toujours la corrélation entre la sadaqa et les bonnes actions. Sixième point, al-infaqu mimma yuhibbu, mimma yuhibbu al-mutasaddiq. Et ça, c'est important. Donc, c'est de donner de ce que tu aimes. De donner ce que tu aimes. Et Allah, il le dit bien. Et Allah, ça, j'ai lancement, il va bien préciser certains mots qui sont importants. Lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min shay'in fa inna Allah bi 'alim. Donc Allah dit, certes, jamais vous pourrez acquérir le birr. Donc c'est quoi le birr? C'est un ismu jami' al-ibadat. Birr en vérité, c'est cette piété là, c'est cette obéissance qui englobe toutes les ibadat. Et on voit bien, donc, lorsqu'on lit les albirra antoual oujouhakum kibal al-mashf al-maghrib, donc on voit tout ce qui vient après. On remarque dans ce verset de Surat al-Baqara, qui est au milieu de la Surat al-Baqara, qui rentre et qui englobe presque toutes les adorations, ou bien toutes les adorations qui sont mentionnées dans toute cette sourate. La Surat al-Baqara parle d'énormément d'adorations. On retrouve pratiquement énormément d'adorations, que ce soit la salat, la zakat, donc le hajj. Le mariage, le divorce et l'akhirah, plein d'adorations sont mentionnées de où ? Dans Sourate Al-Baqarah. Il y a beaucoup d'ahkam dans cette sourate. Et on retrouve au milieu de cette sourate ce verset-là. Et on retrouve dans ce verset-là beaucoup de sujets de ces adorations. Et Allah les a appelés comment Al-Birr. Hein? Donc justement cette obéissance en Allah subhanahu wa ta'ala, cette obéissance. C'est pour ça que là, donc, quand on va dans ce verset-là, on voit bien que vous n'intégrez pas donc justement l'obéissance qui englobe en vérité toutes les adorations jusqu'à ce que vous donnez. Donc il revient à un seul point, à une seule chose. Jusqu'à ce que vous donnez quoi ? Ce que vous aimez, de ce que vous aimez. Donc si tu avais ma femme, donc le meilleur jus, si tu avais un invité, donc tu ne vas pas lui poser ma femme. Donc si tu avais 3 ou 4 catégories de jus, et qu'il y avait 2 ou 3 jus qui sont un jus ou un seul jus qui est en vérité qui est le meilleur pour toi, que tu le préfères, donc pose celui que tu as préféré. Pose en vérité celui que tu as préféré. C'est la même chose pour le reste. Tu poserais de la viande plutôt que de poser un œuf. Un exemple. Ma femme. Tu poserais donc un steak plutôt que de poser un œuf. Ou autre. C'est une façon de voir les choses. Mais c'est ça, ça. Tu aimes ça. Tu aimes énormément ça. Tu le poses. Et là, à ce moment-là, tu feras partie de ceux qui réellement arrivent à ce niveau de quoi de l'al-abrar. Inna al-abrar la fin na'im. Donc qu'est-ce que tu as comme récompense? Parce que le but, c'est justement l'abrar, c'est eux qui arrivent à ce bien. La fin na'im. Donc regardez la récompense, c'est le djinnah. Ce verset, il y a un lien avec le verset. Une fois que vous voyez l'abrar, vous savez que l'infaq fait partie, donc justement. Hein? Donc al-bar, celui qui est en vérité obéissant envers Allah subhanahu wa ta'ala, donc il n'a pas peur. Et au contraire, ça lui fait plaisir de donner de ce qu'il aime lui. Il y a un exemple qui est important lorsque une personne a donné. Donc une personne a donné un sadaqa, donc en vérité, un chameau, donc bien sûr qui est en vérité donc faible, malade, hein, qui ne sert à rien. Donc en donnant à la personne, c'est plutôt une gêne pour la personne qu'un profit, parce que maintenant, comment il va faire? Est-ce qu'il va mourir maintenant dans ses mains ou quoi? Alors il dit ça, qu'Allah ne met pas de baraka ni dans sa personne et ni dans cette ibil. Ça, c'est le doigt du prophète sallallahu alayhi wa sallam contre cette personne-là. فَبَلَّغَ يَنِي ذَلِكَ الرَّجُلَ فَجَاءَ بِنَاقَةٍ حَسْنَةٍ. Et après, il a entendu ça, il a eu peur à la personne, il a entendu. On lui a rapporté ça au prophète, à cette personne-là. Et ça, ce qu'il vient avec une belle chamelle. Atubu ila Allah Azza wa Jal, wa ila Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc il dit, je me repens, Allah Azza wa Jal, je me repens, en venant vers toi, sallallahu alayhi wa sallam. Faqala al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma barik fihi wa fi ibilihi. Donc parce qu'il a fait tawba, il a ramené en vérité de ce qu'il y a de meilleur. Il a ramené en vérité ce qu'il y a de meilleur. Et ça, bien sûr, on sait que ce hadith-là, il est venu vis-à-vis de la zakat. Mais ça reste le même principe. Ça, c'est vis-à-vis de la zakat. Et regardez maintenant, vis-à-vis de Minbab al-Faïda, vis-à-vis du Hajj, vis-à-vis de l'Aïd, le compagnon qui avait égorgé donc son mouton avant la prière du Jumu'ah, avant la prière de l'Aïd, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que ça a été considéré pour toi pour une sadaqa. Il avait dit que c'était celle que l'on préférait le plus. Donc elle donnait du lait, les enfants l'aimaient bien, on était habitué avec elle, on l'aimait beaucoup, et pourtant ils ont égorgé la meilleure chose, alors qu'ils avaient d'autres bêtes. Ils ont égorgé la meilleure bête, car les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils faisaient toujours la meilleure. C'est pour ça que la même chose fait le Hajj. Il ne faut pas, en vérité, rechercher après le mouton le moins cher. C'est ce que des gens font. 350 rial, 300, 270, ah j'ai trouvé à 250, c'est bon, moins cher que toi, c'est moi qui ai gagné, là. Abadan, c'est le contraire. Cherche la plus chère. Car tu es en train de faire une ibadah azim. Tu es justement en train, en vérité, de quoi? De faire une adoration qui est énorme. Tu es en train d'égorger pour Allah Azza wa Jal. Et cette chose-là, elle va aller chez les pauvres. Donc tu vas nourrir ma faim. 35 pauvres, mieux que si tu aurais nourri 12 pauvres. Tu fais un khair. En plus, ça, justement, normalement, tu le fermines. Abdal. C'est pour ça que Hatta Shirmatimi, il dit, rahmallah, que la meilleure des choses, que le meilleur, justement, des bêtes qui sont immolées, c'est, pour lui, il dit, c'est le chameau. Donc, il voit le chameau avant les moutons. Donc, c'est pour dire. Et le chameau, c'est plus cher que le mouton. Tout le monde le sait. Pour payer un chameau, c'est 2000 rials. Donc, c'est un exemple. C'est à titre d'exemple. C'est bon, c'est bon. Donc, dès que c'est l'heure, vous mettez à coup. Comme vous voulez. C'est vous qui. Non, mais si vous êtes là, si vous quand on s'appelle, vous reprenez. Sinon, on peut continuer. Après la prière, c'est un autre. C'est Abbas qui reprend. Ah, c'est un autre frère. C'est à vous. Donc, parmi aussi les Adillah, parmi les preuves de cela, donc c'est que. Abu Talha, radiallahu anhu, donc rapporte, il a donné de ses meilleurs biens. Donc après le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, donc il dit, là c'est une bédha. En réalité, c'était, donc il y avait, apparemment c'est comme un endroit, ou peut-être une petite terre avec un mur qui était muré. Il avait donné de sa meilleure sadaqa. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, bah, zalik al-mal. Bah, chez les Arabes, ça veut dire en réalité, ils disent, c'est adib, yani, étonnant. Bah, quand ils disent ça, les Arabes, le prophète, ça m'a dit bah, dans le sens, il dit adib, il aimait bien ça, il a bien aimé ça. Il a dit, ça c'est de l'argent qui est fructifié, ça c'est de l'argent en réalité qui est gagné, qui est vraiment fructifié, qui est rabih, dans le sens où en réalité, il a gagné quelque chose parce qu'il a donné en réalité de son meilleur en réalité. Donc il a donné en vérité de la meilleure chose. Donc alors, on va s'arrêter là pour reprendre la prochaine donc demain par la suite. Donc demain après Dhuhr, après l'Asr, après Maghrib, après l'Isha inchallah. Donc on va s'arrêter là pour la prière et puis Abbas inchallah va continuer par la suite. Subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Voilà, c'est la théorie, on va passer à la pratique. Inchallah.